t'asseoir dans un bureau pendant qu'ici il fait beau. Ils perceront l'écran pour t'offrir une carrière ou noyer ton enfant. Ils briseront les lois, les cadenas et les os. Dehors, y a des orgies d'ennui jusqu'au front des batteries. Va-t'en pas. Dehors, j'ai vu un ciel si dur que tombaient les oiseaux. Du temps et dans les lignes du ciment. Toi, tu as des yeux qui trahissent le sang, tu mérites l'amour. Maintenant que tu vois tout ce qui n'existe pas, et si tu veux venir, Neptune me guide où j'ai semé des larmes, mes armes sont en fleurs. Moi j'ai tant d'amis, je peux pas les compter. Va-t'en pas, j'ai autant d'amis que mille Mexico. Voyez les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et lui qui était vieux comme un l'hiver, au lieu de se noyer dans un verre, il s'est baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en amande, ni gris ni vert, ni gris ni vert, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Il partit vers sa destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières l'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut. Et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui, ça peut lever, oui, ça peut lever, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Ils sont partis bras dessus, bras dessous, dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présences féminines qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, se sont perdus, comme à Ostend et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. Nouveaux arrivants et les autres, bonjour tout d'abord, bonsoir, excusez-moi, bonsoir, bonne nuit, bon matin, allô, ça dépend si vous nous écoutez en radio et en balado-diffusion. Là, vous nous écoutez à la radio. Vous pouvez aussi nous écouter en balado-diffusion. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez l'emprise sur votre monde et gardez-le. Là, gardez-la, l'emprise, une emprise, gardez-la. Et sinon, je vérifie si c'est féminin ou masculin, mais dans ma tête, et dans ma tête, ça doit passer par ma bouche. C'est bizarre, ben c'est pas bizarre, mais c'est moi. Pour les gens qui me connaissent, vous me connaissez. Alors, pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Vous êtes sur CKRL, le 89,1, mais quand on le nomme, on ne dit pas comme ça. On dit vous êtes sur CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez Errance Rénaldienne. Rénald Gagné est le... L'homme artiste... Non, pas l'homme. Le garçon derrière tout ça. Celui qui manipule tout, qui a rencontré les artistes aujourd'hui, et la semaine prochaine, Que de la qualité, là, hein? Que de la hyper qualité! Et donc, qu'est-ce qu'il voulait dire, l'insignifiant? Ah oui, c'est que, pour les nouveaux arrivants, comment ça fonctionne? Ben, normalement, il y a l'introduction. En fait, on a pas, non, dans le milieu, c'est pas introduction, c'est le générique. T'as entendu un générique? C'est un genre de Elvis Presley avant qu'il monte sur scène, là. C'est le générique. Alors, après ça, il y a, depuis cet été... C'est pour ça que vous êtes un peu chambranlant. Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, est-ce mon cerveau qui est déréglé? Déréglé. Quand c'est pas réglé, c'est déréglé. Quand je suis réglo, je suis pas déréglé. Quand je suis réglo, je suis réglé. Réglo. Wow! Il est des nôtres. Il a mis le magma des autres. C'est du cachemire. Avez-vous déjà vu ça, du cachemire, madame? Non, c'est Valkyrim. Valkyrat. Valkyrie. Valkyram. Valkyrou. Non, c'est du ski. Attendez. Et c'est le but! Non, du kirsch. Je l'ai eu. Avez-vous déjà bu ça, madame Dukirch? Non? Regardez-moi dans les yeux. Les trois ici, là, j'ai trois qu'un œil, moi. Celui du fond fait partie des trois qu'un œil. Vous les voyez, les trois qu'un œil? Vous sentez en moi l'homme théâtral? Celui qui sait comment projeter les termes et les mots, le Fabrice, le Fabrice le chéniche du Québec. Comment? J'ai dit le Fabrice le chéniche. Finish. Mais c'est. Il monte au chat là-bas. Le Fabrice le Chéniche du Québec, c'est moi. Vous ne connaissez pas Fabrice le Chéniche qui a joué dans les films d'Éric Rohmer. Là, je sens, je vois en vous le hamster qui tourne. Et quand le hamster tourne, non, mais quand le hamster tourne, ne te retourne pas. Reste devant moi. Parce que quand le hamster tourne, ça se voit dans tes yeux. Tu sais, l'iris, c'est plus où aller. Parce que ça tourne tellement à l'intérieur, tu veux pas non plus provoquer chez le récepteur le fait que tu cherches. Puis quand tu travailles dans le milieu de la psychologie, tu sais que quand tu regardes en haut à droite, ça veut dire que tu cherches. Quand tu es en haut à gauche, c'est que tu mens. Et puis si c'est dans le milieu, ben c'est que tu dis la vérité. C'est pas compliqué, voyons donc. Étudier 3 ans et demi à l'université, faire des études prolongées pour autant de conneries, c'est simplifié, ça? Là, ben, je sais, là, il y a des gens, on les appelle, ces gens-là, on les appelle comment? Les emmerdeurs, oui, aussi. Mais les puristes nous diront, oh, ben là, c'est plus compliqué que cela, là. Vous résumez, là, hein? Vous ramenez trop rapidement à la synthèse, vous synthétisez, monsieur, là. Dans la monsieur, je ne suis pas un monsieur, je suis un garçon. Alors là, encore, excusez-moi le là, mais encore là, il y a un problème, là. Il y a un problème de statut, là. Vous ne voulez pas prendre en main votre statut. Et dans le statut, il y a statut. Oui. Non, mais c'est bien quand le gars dit... Quand dans statut, il y a statut! Tu dis, oh, ben oui, il y a statut. Il y a statut, là! Ben oui, mais il y a un statut! Ben oui, il y a un statut. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas un statut. Il y a un statut! Tu go? Statu correct? Non, il y a un statut! Il y a un rôle qu'il faut prendre dans la vie, et c'est un... Vous êtes un homme, pas un garçon, là! Vous êtes un homme! Oui, mais je vais vous expliquer. Allez, Souchon. Là, le Souchon, c'est qui? Ça, c'est un statut? Mais non, c'est un chanteur, acteur. Et on est en parolier. Allez, Souchon, le parolier. Là. Ah là, la vie en rose, la voix, quand nos propres. Quand tu t'es. Ah, entre autres choses, faut voir. Dans l'armoire. Voyons donc, allez, Souchon. Ah, le Souchon, c'est qui? C'est un statut? Non, je pense pas un statut, c'est un chanteur. C'est un chanteur, compositeur, artiste. Non, mais quand tu. Il faut s'affirmer! Oui, on s'affirme, ça va bien. J'ai mangé mes 3 repas cette semaine. Cette semaine? Non, mais mes 3 repas, excusez-moi, j'ai comme. Non! Il faut s'accepter! Ben, c'est ça, je m'accepte, non, mais je m'accepte. Bon. Alors, et puis? Épuisons le sujet. Non, le sujet peut pas s'épuiser comme ça, voyons donc. Mais j'ai jamais entendu voyons donc dans les gens qui sont là puis qui croient en leur rôle. Là, bien, c'est pas n'importe qui, là. Tu rencontres le plus grand psychologue du monde, là. Alors, le statut, là! Il dira pas. Ouais, alors, le statut, ça c'est. Non, mais c'est. Ouais. Non, mais c'est une perle, hein. Le statut, c'est pas n'importe quoi. C'est avant tout, bien sûr, une écriture directive provenant sans doute de l'intérieur. Mais j'ai dit sans doute puisque chaque individu est totalement singulier, donc n'est pas pareil, ne fait pas partie de cet amalgame que souvent on apporte trop facilement pour saisir la compréhension du genre humain, mais c'est sans doute une véritable constellation, un peu comme vous regardez dans le ciel, là, il y a les étoiles, et à travers les étoiles, vous vous trouvez, et puis à travers cette reconnaissance, à travers cette amitié qui se lie, ce jumelage, et pour ne pas balancer, non, il ne dit pas balancer, excusez-moi, je n'ai pas voulu balancer, mon personnage, oui, mais moi, non, alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Raymond, qu'est-ce qu'on fait? On sort du personnage ou... On continue. OK. Maintenant, mais j'ai 10 mots. Ah, pas oui, c'est ça que je voulais dire au début. Bonjour, comment ça va, vous autres? Alors, pour les nouveaux arrivants, on était partis de là, là, avant de s'élancer. Puis, dites-vous une chose. Puis, assurez-vous d'une chose surtout. Quand vous vous élancez, là, essayez de vous rattraper. C'est-à-dire que, ouh, quelqu'un peut vous rattraper. Mais il faut récupérer, là. Il faut, ouh, tu sautes, mais ouh, y a-tu quelqu'un qui va me reprendre? Ouah! Sur scène. Quand vous allez voir des spectacles, là, un peu, pas... Allons voir si la mer est belle, il y a des sous-marins, et oui, et vous verrez ça, la main. Nous sommes des amants, voilà, la vie est belle, avec tous les sous-marins. Amène quelque chose de nouveau, c'est bien de se raccrocher à des références, là, déjà. Oh, oh, je viens de comprendre, là, c'est le French bandant, c'est le French bandant. Ouf, au moins, j'ai une petite hérésie. Alors, pour les gens qui nous écoutent, les premiers arrivants, vous êtes Errance Rénaldienne, l'émission de CKRL. Et surtout, comme je dis souvent, combien de fois tu viens de le balancer, le mot surtout? C'est pas surtout, c'est sur nous. Sur nous. Concentre-toi sur nous. Pas surtout, sur nous. Fâche-toi pas. Je suis pas fâché. J'aime bien que tout soit fait selon les règles de l'ordre. Quelles sont les règles de l'ordre? Ben, c'est ce qu'on a travaillé pendant des années, puis qu'on a mis bout à bout et qu'on amène tranquillement pour que ça devienne une convention! Oui, mais qui dit convention, on dit une certaine... Ça sent le commercial. Ça sent quelque chose de déjà vu, de déjà remarché. Peut-être! Mais c'est... Surtout pour le public, c'est réconfortant. Ça dépend quelle sorte de public, toi, là. Il y a du public qui ne veut pas voir ça. Il y a du public! On dirait Yvon Deschamps. Non, je me sens comme Yvon Deschamps. On dirait du... Pour les gens qui ne connaissent pas Yvon Deschamps, c'est un humoriste québécois. Né un jour et encore vivant et heureux de l'être, qui a balancé une chanson très connue, chantée par les frères Jacques, Les Fesses. Les Fesses. Bon, comme les zizi de Pierre, les zizi. Zizi, zizi, je vous dirai tout sur le zizi, le cri, le gros, le bon, bon, ben, c'est la même chose, mais c'est les fesses. Il y en a qui se retournent, d'autres pas. Quand tu te retournes pas, c'est le zizi. Quand tu te retournes, c'est les fesses. Fais attention, tout peut s'embriquer et croyez-moi, ça fait mal. Et, mais croyez-moi, ça peut paraître particulier. Non, ça pourrait paraître, là. Oh, je l'ai vécu. Non, je l'ai pas vécu. Encore là. J'ai quelqu'un qui me disait, il y a des endroits, c'est pour extirper. C'est à peu près ça, moi aussi. Mais c'est personnel. C'est personnel. Au moins, il reste quelque chose de personnel dans notre monde. Immonde. Il reste ça. Alors, Errance Rénaldienne, c'est une émission comme déjantée. On peut dire ça rapidement comme ça, là. On ne demandera pas à des élitistes de nous relater, de nous raconter, de nous analyser ce que vous venez d'entendre depuis 24 minutes. C'est quand même qu'on n'entend pas. On n'entend pas pour ça. Et puis, il y a pêche. Randamandos. Anistal minus à la mâche. Rontis. Rontis à la mâche. Rontis à la mâche. Enemistai. À la mistoi lotoi. Lotoi en lotoi. En amanistel. En amistel la mil. La mil anolol. La mil anolol à la mâche. À la mâche anouche. Bon, là, vous n'avez pas le décodeur. Vous êtes dit, mais je suis trempé dans un autre circuit. Je suis plus sur la même station. C'est CKRL m'a quitté. Je vous le dis, ça va vous arriver à vous aussi. Non, c'est pas celle-là. Mais c'est que ça peut disparaître comme ça. Puis aussi, quand on s'élance dans des impros, ça va partout. Aussi partout. Et vous nous captez, vous comprenez ce que vous pouvez comprendre. C'est comme des chansons de Bachung. C'est comme des chansons un peu bloquées comme ça, catenassées. Mais si vous avez les clés, ben heureusement, vous pouvez ouvrir et vous émanciper. Alors, Errance Rénaldienne, qu'est-ce que c'est pour la 50e fois? C'est une émission hors norme, diffusée sur CKRL depuis... Une grosse dizaine d'années. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai le ventre qui ballotte. Là, je vais voir mon médecin, puis moi, je lui dis, est-ce que c'est possible que je sois enceinte d'au moins d'une grosse dizaine d'années? Il me regarde un peu un air prématuré. J'aurais aimé ça être prématuré, parce que après 10 ans, là, comment t'appelles ça? Là, le médecin me regarde dans les yeux. Vous allez sentir la chute. C'est une chute, là. Il me regarde dans les yeux. C'est la chute, là. Il me dit mon terrible secret, ce que je ne voulais jamais entendre. C'est pas une bédaine de grossesse, ma'am. C'est une bédaine de bière. Une bédaine de bière. Moi, Rita Lemieux, qui court depuis 22 ans vers le succès et qui ne l'a jamais atteint, se fait dire par un médecin qui est qualifié, entre guillemets, parce qu'il y a des médecins qui sont pas bons, comme il y a des émissions qui sont pas bonnes. Ouais. Comme la musique qui nous correspond pas. C'est ça, la musique, ça c'est bien ça. Parce que la musique rassemble beaucoup de personnes. Puis certains styles, certains chanteurs correspondent à d'autres et moins à un autre public. Tu sais, c'est assez complexe. Pas facile. Il y en a qui aiment ça, le western. Il y en a qui adorent ça, le western. Puis j'aimerais bien vous faire entendre une chanson. Oui, vous faire entendre une amie. Ben, une amie, c'est ce que vous entendrez, c'est pas une amie. Mais c'est une femme qui m'a demandé, parce que son disque était brisé, d'essayer de le récupérer, parce que j'ai comme une petite un chamois qui enlève toutes les imperfections du disque. Et je l'ai encore, parce que je dois lui ramener le mardi, le disque. Donc, j'ai l'album en question. Ce qui serait bien, là, c'est de vous faire entendre une chanson. Parce qu'alors, dans le western... Je suis pas là pour y dire, madame, là, vous me demandez quelque chose, là. De réparer un album, un disque que je ne crois pas intéressant pour moi. Qui suis-je pour dire que c'est pas intéressant en général? Bon, elle adore ça. Fait que ce que je vais vous faire entendre, c'est un CD. Je redonne vie à des CD, moi. Mais il est CD. Il a décédé et moi, je lui ai redonné la flamme. Je vais vous faire entendre une chanson. Pis c'est pas mon style. C'est quand RL, je suis sûr qu'ils vont s'arracher les oreilles. Petit caisse de 12, une gang de chums, pis 5 grosses bouteilles de rhum. On s'en va toute la gang, foirer au camp. Embarque les glacières dans le bateau, fais attention pas de tomber sur le dos. Y'a de la bière, ça glace d'un sac, elle va être prête en tabarnak. Y'a Marc Michel Pacino qui cherche Ticoun Terrio. Il doit être perdu autour du camp, la face coincée entre deux boulots. Il faut le trouver avant qu'il fasse noir, parce que nous autres on est ici pour boire. Y'a bu du rhum dans le bateau, On a perdu 10 coups dans l'eau. Hey! 10, 15, 12, une gang de chums. Pis 5 grosses bouteilles de rhum. On s'en va, toute la gang, foiré au camp. Embarque les glacières dans le bateau. Fais attention, pas de tomber sur l'eau. Y'a de la bière, ça glace dans un sac. Elle va être prête en tabarnak. Y'a mes chums et puis Bruno avec un transistor radio, assis au milieu du lac pour écouter le country sur l'eau. Les demandes spéciales du samedi, on les écoute en titi. Les chansons style Louisiane, ça met du swing dans la cabane. 10, 15, 12, une gang de chums et 5 grosses bouteilles de rhum. On s'en va, toute la gang, foiré au camp. Embarque les glacières dans le bateau. Faites attention, pas de tomber sur l'eau. Y'a de la bière, ça glace d'un sac. Elle va être prête en tabarnak. 10, 15, 12, une gang de chums. Pis 5 grosses bouteilles de rhum. On s'en va, toute la gang, foiré au camp. Embarque les glacières dans le bateau. Faites attention, pas de tomber sur le dos. Y'a de la bière, ça glace d'un sac. Avant être prête en tabarnak. Hey! 10, 15, 12, une gang de chums. Pis 5 grosses bouteilles de rhum. On s'en va, toute la gang, foiré au camp. Embarque les glacières dans le bateau. Faites attention, pas de tomber sur le dos. Y'a de la bière, ça glace d'un sac. Elle va être prête en tabarnak. Y'a de la bière, ça glace dans un sac. Elle va être prête en tabarnak. L'avez-vous trouvé, Ticoun? Viens faire ça, bon. Alors, aujourd'hui, le lundi... Non. Écoutez, il y en a qui se sentent bien là-dedans, puis j'ai rien contre. Ça m'a fait plaisir de vous le faire entendre, au même titre qu'il y en a d'autres versions musicales. Pas de cette chanson-là, là. Tu ne vois pas... Non. Je suis sûr que ce soir, il y a des gens qui ont eu du plaisir à écouter cette chanson. Là, vous allez me demander de qui est... Ben, je vais sortir le CD parce que je peux pas... Il s'appelle... Irvin Blais. Alors, pour les amateurs, là, Irvin, I-R-V-I-N, Blais, comme Blais, B-L-A-I-S. Ah, ça mérite d'être entendu. Ah, au même titre, non, OK, c'est vrai. Au même titre, madame, mademoiselle, monsieur, au même titre que mon ami, attention, mon oncle Serge. C'est propos répugnants. Il me répugnait, te répugnait, le répugnait, nous répugnait, vous répugnait, les répugnants. Je sais mon œuvre est plus susceptible de me faire admettre à l'aile de psychiatrie qu'à la faculté des lettres. Dans les cégeps, les écoles de langue, les universités, jamais on étudie les tonnes que j'ai composées. Aucune valeur, cet homme n'a aucune valeur, conclut le professeur. Pas de Phyllis, pas de Grammy, pas de Juno, pas de Mimi. Je n'aurai jamais le prix du gouverneur fédéral. Je ne serai pas honoré par l'Assemblée nationale. Mon oncle Serge est digne du Québec et encore plus du Canada. Voyons mon oncle, qui est encore comme un spunk. Arrête-toi donc faire l'argent, chante donc quelque chose d'intelligent. Ah oui, genre l'amour, le champ de blé, le cœur qui est un oiseau, la forêt de mal-aimé, les soirs de scotch et les ruisseaux. Oh, pis de la merde, tabarnak. J'pense que Rambo s'est même brûlé un nest, c'est gros bâle. et des mouvements biotantiques. Il m'a envoyé des frissons, m'en a pogné des poissons. Les hôtels cheap, les barbiqueux, les maigres cachés en dessous de la table. Non, pour cet artiste scabreux, vraiment rien n'est trop minable. Jamais seul, jamais trop, toujours sous l'ombre. Ils traînent sur la scène comme l'épouvantail devant des abrutis gorgés de Monster Cry. Vivement que sonne le dernier round pour sa mort au underground. Mon nom Serge est digne du Québec et encore plus du Canada. Bingo! Touchez pas vos cartes. Aujourd'hui, le lundi 16 juillet 2018, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Brigitte Boucher aujourd'hui et la semaine prochaine. Nous sommes des chanceux. Nous allons l'entendre. Je l'adore. Je sens comme j'ai envie de faire là. J'adore, j'adore. La tête aux fesses. T'es tout ce que je veux. T'es tout ce que j'ai voulu. Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine! Brigitte Boucher. Maintenant. To shake me anyhow. Baked and borrowed, sometimes I admit I even stole. The worst crime that I ever did was playing rock and roll. But the money's no good. Just get a grip on yourself. But the money's no good. Just get a grip on yourself. Suffering convictions on a two-way stretch inside. The air in here is pretty thick, I think I'll go outside. Committed for insanity and crimes against the soul. The worst crime that I ever did was play some rock and roll. But the man is no good. Just get a grip on yourself. But the man is no good. Just get a grip on yourself. And you should know. We'll be right back. Ah, t'as enquêté sur moi. Moi, je t'ai écouté. Okay. J'aime beaucoup ta version du connard et du... Du 23, c'est passé le 23, ça a passé juste la semaine passée. C'est une genre de mini-parodie, là. J'ai ri. Ah, ben c'est bien, mais c'est de la manière pour rire dans la vie. Bon, je vais couper l'insupportable. Non, mais tu peux répondre à tes missives, hein? Non, mais je vais le couper, tu sais, c'est plus convivial. Comme tu veux. Avion... Pas de problème, avion, OK. On est dans l'avion. Oui, on est dans l'avion. Tu es dedans? Oui, ça me dérange pas, non. Et tu viens ici? Oui, parce qu'il pleut un peu. Tu sais. Oui, c'est ça, mais il n'y a même pas 5 minutes, là, c'était super. Là, tu sais, je sais. Regarde mes bottes pantalons. Ah oui, mais toi, tu restes dans le coin? Trois rues comme ça, rue des Martyrs. Ah oui, ben oui. Vois-tu où c'est chez Michou? Oui, ben oui. J'habite au-dessus. Michou et les Michettes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui. J'habite au-dessus. Ah oui? Veux-tu que je te fasse inviter? Non, merci. Non. J'aime bien l'extravagance, mais pas à ce point-là. Michou et les Michettes, ouais. Et je le vois souvent au Bruant et je promène un peu partout. Il y a 86 ans. Ça conserve le champagne. Ah ouais, pas juste le champagne. Et les Michettes aussi. Bon, alors, Brigitte, ce qui me fait plaisir, c'est de te rencontrer ici à Paris et de voir que tu as décidé de faire carrière ici et d'enseigner ici. Mais tu as commencé à Montréal? J'ai commencé à Montréal. Tu as joué un peu avec Yvette Brindamour? Oui. Ça, c'est ma peu... marraine de oui, théâtre. Oui, ça c'était début, ça. Ah oui, oui. Mais j'étais petite. Oui, après, ben j'étais plus grande. Oui, mais. J'ai commencé à 6 ans dans l'Oiseau Bleu de Maeterlinck. Exactement, mais qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Ou à l'art dramatique? T'enregistres-tu, là? Ben oui, c'est commencé. Ah ben, c'est le fun. Ben bon. Oui, mais moi... Qu'est-ce qui m'a amené? Comment on les appelle? Donc, tu sais, les... Ah oui, les... Oui, les bites avec les cheveux, comme... Ouais, voilà. Ouais. Ah, des trolls. Ah oui, bon. Voilà. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Ben, c'est pas une histoire drôle. Non, mais vas-y, mais... Ouais, non, mais on n'est pas ici pour rire. Parce que, mais non, on peut rire aussi, on peut rire aussi. On peut-tu boire de quoi aussi? On peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est bien. Non, mon père est décédé quand j'étais petite, quand j'avais 5 ans et demi. Puis ça m'a vraiment fait un coup. Puis ma mère était, on peut dire, quelqu'un de pas très maternel. Alors, elle m'a envoyé tout de suite... En France, je suis mon parrain, je reprends l'accent français pour parler de mon parrain. Tu vois, je vais changer. En France, un peu à Paris, et mon parrain avait une très jolie maison à l'île d'Oléron. Donc j'étais beaucoup. Ta mère est française? Non. Mes deux parents sont québécois, de plusieurs générations, on va dire ça purlaine. Madame, vous voulez boire quoi? Je pense que vous avez devant un petit kir mûr. Kir mûr, d'accord. Pas mal. Et elle est venue me rechercher au mois d'octobre. Puis moi, je demandais toujours après mon père. Puis personne ne... Non, personne ne m'avait dit quoi que ce soit. Moi, je l'avais vu tomber. Crise cardiaque. Personne ne disait quoi que ce soit. Tout le monde était tenu au silence. Puis là, ma mère m'a mis chez les bonnes sœurs. C'est l'équivalent, tu sais, à Montréal, c'est les sœurs Marceline, oui, c'est l'équivalent des Ursulines, peut-être, à Québec. Oui, à Québec, exactement. Oh, misère! Et puis là, comme mon père s'était beaucoup occupé de moi, qui m'avait appris à lire déjà, à écrire, je me suis retrouvée à 6 ans, arrivée en retard d'un mois et demi d'école. Alors, ton père, tu avais trop appris de choses, donc tu étais trop avancée pour... J'étais avancée, mais ils ont contacté ma mère. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont écrit, s'ils l'ont appelé, mais ils m'ont dit, est en avance sur les autres, fait très bien ses devoirs, mais on a beau la battre, elle refuse de parler. Elle ne dit pas un mot. Ah ouais, t'étais... Je me rattrape depuis, tu sais, je parle beaucoup depuis. Non, mais t'étais muette. Je ne suis pas muette, mais je... Et la grande amie de ma mère, Yvette Brindamour, elle me dit, ben écoute, tu me la confies, je vais la faire reparler. Puis je suis allée chez elle à Dorion, puis elle m'a dit, mais tu viens souvent me voir jouer au théâtre. Est-ce que tu aurais envie d'être dans une pièce? Ah, je faisais avec ma tête, comme ça. Et puis, Elle me dit, tu sais lire, tu vas apprendre un texte, mais il faut qu'on t'entende bien, parce que ça ne sera pas au rideau vert, ça va être dans la grande salle de la Place des Arts. Donc, il faut... Elle se mettait dans un bout de... Merci. Dans un bout de couloir, à ta santé, Rénal. Bienvenue. Elle tient aussi. Elle m'envoyait le texte, et c'était « L'oiseau bleu » de Maeterlinck. Maeterlinck qui est l'auteur qui a le plus écrit sur le silence, tu sais. Ok, ouais. Je me souviens très bien. Oui. En tout cas, travailler sur le côté muet. Et donc, j'ai recommencé à parler comme ça, j'ai pris le goût du théâtre. Ok. Et en voyant aussi, c'est ta tante, hein? Lettre d'amour? Non, c'est pas ma tante, on n'a aucun lien de parenté, c'était juste la meilleure amie de ma mère, un peu ma marraine de théâtre. Oh, c'est un peu une marraine. Et là, toi, à l'âge de 6 ans... C'est-à-dire que ma mère, il y était 4 filles ensemble, tout le temps. Janine Tuteau, Gisèle Schmitt, Yvette Brin d'amour. Oui, je sais. Ça a été un de mes premiers profs de théâtre. Gisèle Schmitt, puis ma mère. Ma mère, il était beaucoup... Dans le même truc, c'est-à-dire que ces quatre femmes-là ont toutes épousé ou se sont toutes mises en ménage avec des hommes qui avaient 25 ans plus qu'elles. Ouais. Parce qu'Yvette Brin d'amour, elle avait rencontré Mercedes Palomino sur son bateau où elle faisait son voyage de noces. Elle était mariée avec Loïc Le Gouriadec, Paul Gury, de son nom d'auteur. Enfin, moi, j'ai connu. Voilà. C'est donc. Mais pourquoi ta mère était amie de comédienne, elle ne l'était pas? Non, mais elles se sont rencontrées, elles avaient 14 ans, c'était des adolescents, donc? C'était des adolescents d'un milieu très, très défavorisé. Okay. Ma mère était un peu plateau que le Mile End. À l'époque, ma mère est née en 1919. Okay. Donc, elle est décédée maintenant. Ouais. Donc, c'est toute la même génération que Janine Tito, qui fait de Brin d'amour, que Gisèle Schmitt. Mais comment t'as... Ils en sont sortis comme ils ont pu. Mais comment t'as vécu ça, la mort de Janine Tito récemment? Ça m'a fait un coup, vraiment. Tu l'as appris quoi dans les journaux ou c'est quelqu'un qui t'a appelé? Non, c'est quelqu'un qui m'a appelé. J'ai été. Je dois dire, Janine, on s'était pas revue depuis un moment. Mais depuis, je dirais, une dizaine d'années, on se parlait de passer en temps au téléphone. Mais j'ai très, très mal vécu. Là, je vais boire un coup, pas me mettre à brailler, ouais. Ça serait con. C'est ensuite une émission comique, ça. Non, pas du tout. Les rencontres, c'est pas comique. Non, c'est mes improvisations qui sont comiques. Mais sinon, mes rencontres ne sont pas comiques. Okay. Ici, c'est le plancher, là. Plancher. Voilà, le plancher. Ground zero. Exactement. OK. Non, c'est que... Comme Yvette Brin d'amour s'occupait de moi très souvent, quand j'étais petite, tout ça, des fois, elle n'avait pas le temps, et puis elle me confiait à François Barbeau. Oh! Qui est quelqu'un qui a, petit à petit, au cours des années, pris la place, je pense, du père et du meilleur ami. OK. Et là, son décès, ça fait un an et demi, là. Ouais. Oh, je ne suis pas revenue du tout. C'est dur, ouais. Moi, j'ai un problème avec le deuil, c'est-à-dire qu'il faut que je travaille dessus. OK. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est un abandon. OK, ils t'ont laissé là. Ils t'ont laissé, ouais. Ils m'ont laissé. Ouais. Ça fait que ça, j'ai beaucoup de mal. Puis je suis toujours en contact avec la fille de François, Valérie. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es adonnée à devenir actrice? C'est parce qu'à 6 ans, tu as joué? Oui, puis à 6 ans, puis 2 ans plus tard, puis à 9 ans, puis à 11 ans. Puis après, j'ai fait un peu ma vie. Puis après, j'ai fait ma vie. J'avais une mère très autoritaire, très... Bonjour! Pas très agréable. Puis je suis tout de suite après mon secondaire 5. Oh non, c'est pas assez. Mmh. C'est surtout que ça, c'est une bonne chose, ça m'a aidé à me démerder dans la vie. Puis tout de suite après mon secondaire 5, j'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité aussi. Tu sais, c'est du tatassa, là. Après mon secondaire 5, je suis partie. J'ai fait toute l'Europe du Nord en stop. J'avais tout à fait 18 ans. Puis après, j'ai atterri à Londres. Parce que j'aimais beaucoup Londres. 18 ans, 19 ans? Plutôt entre 17 et 18. OK. Oh, mineur. Inquiète-toi pas. Mais j'étais débrouillarde. Oui, oui. Puis c'était toute l'époque de la musique que j'aimais, c'était du punk rock. Oui, moi, ça. J'ai vu les Sex Pistols en stage, les Clash. Oh, ben, Patti Smith, c'était plus américain. Là, moi, j'étais très dans le... Garage. La musique de... Ouais, garage. Came up from nowhere, and I'm Puis j'écoute du punk, j'écoute du métal. Mais du vieux punk, du vieux métal, comme... Ouais, mais aussi du nouveau, puis du rap. Puis là, il y a Corias qui est venu à la boule noire il n'y a pas longtemps. J'ai vu ton vidéo. Non. Oui. Ben oui. T'es fort. Tu me dis, hein, c'est bon. Oui. Hein. Ah, t'es suivi. Et toi, qu'est-ce qui te... Le théâtre, ça me passionne. Non, mais la musique, pourquoi cette musique-là t'attire? C'est le côté réactionnaire. Réactionnaire, vraiment? Non, c'est le côté libertaire. OK, libertaire, OK. Ouais. OK, mais réactionnaire aussi, on réagit face à l'autorité, I am an antichrist! C'est ça, exactement. C'est un peu ça, ça a toujours été un petit peu ça. C'est pas... Si on met dans des cases, ça marchera dans aucune case. Et tu vas essayer de t'en sortir pour faire cavalier seul. Et... C'est ça. Si on me force à écouter, je pense, du punk puis du heavy metal tout le temps, je vais me mettre à chanter de l'opéra. Ah oui, oui. Mais c'est mieux que c'est chanter du Céline Dion. En tout cas, chacun sait. Non, mais ça, je suis d'accord. Ah, Céline Dion. Ah, vas-y. Je dis une affaire. Céline Dion. Parlons de Céline Dion. Oui, elle a voulu te rencontrer. Non, pas du tout. Mais oui, je vais revenir à Céline Dion. Je vais te parler d'une chose que je fais, parce que moi, j'aime beaucoup l'absurdité. OK, bienvenue. Oui, j'aime beaucoup, par exemple, les gens de l'Oulipo. OK. Je sais pas si tu les connais. Oui. Oui. Bon, c'est bien. Moi, là, il y a quelque chose qui m'arrive qui est complètement surréaliste. OK. C'est-à-dire que, regarde, je suis québécoise, je suis née à Montréal. Oui. J'ai fait ma vie à Paris, j'ai un passeport français. Oui. Et canadien, les deux? Okay. Oui. Mais il faut que je refasse le canadien, parce qu'il paraît qu'à cause de Trudeau, je ne peux plus rentrer chez nous avec le passeport français. Non, tu es obligé de fumer du pot. Là, ça veut dire que si j'y vais avec mon... Tu es presque obligé de fumer du pot parce qu'ils veulent légaliser ça. Mais en tout cas, ça, c'est notre histoire. Non, j'ai pas dit ça. On efface ça. Rewind. On fait un montage très serré. On oublie des bouts souvent. Mais oui, donc, tu dois refaire ton passeport. Oui, je dois refaire mon passeport, absolument. Mais là, tu sais, québécoise... française. Là, je vais aller travailler en Suisse avec un Suisse et qui m'a demandé de faire la mise en scène de son one-man show qu'il fait avec l'accent belge. Okay. Ça, c'est-tu assez fort? Donc, okay. Donc, c'est un Suisse qui va faire le belge. C'est ça. Okay. Et qui s'appelle? Alors, l'acteur s'appelle Fabien Ferrari. Okay. Mais son spectacle, c'est Victor Vatar. Dire l'inverse et penser le contraire et vice-versa. Okay, déjà là. Bon. Ouais, mais vois-tu, la personne à la billetterie demander ça, c'est pas facile. Juste Victor Vatar. Okay. Mais c'est quelqu'un qui tourne, tu sais, qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Là, il y a 3 spectacles en Avignon. Ah oui? Okay. C'est vraiment quelqu'un qui est bien. Et son spectacle, Victor Vatar, le personnage de Victor Vatar, c'est un critique gastronomique belge qui dit que la... Mais moi, je ne sais pas faire l'accent belge. Non, je suis poignée, là. Ouais. Que la moule est belge et pas bretonne. Okay. Et qui a fait un grand livre qui s'appelle « Les contournables, les pires restaurants où il ne faut pas aller ». Puis lui, il donne une poubelle, deux poubelles, trois poubelles, quatre poubelles. Ah, c'est bon, ça. Puis il tape sur l'industrie. Alors, avec une fille qui s'appelle Roberte Nalpadian. OK. Et qui est suisse? Non, qui est française. Ah, OK. Qui est du Sud. OK. Alors, tous les deux, ils ont écrit ça. Puis Fabien Ferrari m'a demandé de faire la mise en scène. Puis là, j'ai dit... Mais comment tu l'as Depuis 18 ans, je suis intervenante dans une école de théâtre. OK. L'école Claude Mathieu. Oui, ben et oui. Et ce mec-là... OK. Je pense qu'il a été trader, il s'est occupé de gros portefeuilles, il s'est occupé d'organisations mondiales en Suisse, tu sais. Il a vécu en Afrique, puis un jour il a fait « Ok, là, j'ai fait mon beurre, maintenant je vais faire ce que j'aime ». Puis il a trouvé l'école, puis il est venu à l'école. Donc, c'est un mec qui avait été plus âgé. Hein? Ben, c'est... Okay. La grosse moyenne est entre 18 et 25 ans. Mais il y a des gens qui viennent un peu de... Ouais. C'est ça. Okay. Puis tout à coup, on tombe sur des perles comme ça, puis on se dit, oh, ouais, lui... Mais c'est bien, parce que déjà, il y a son passé, puis s'il décide de faire ça, c'est parce qu'il veut le faire. C'est ça. Donc, il y a quelque chose, il y a un potentiel. Il ne veut pas faire ça uniquement pour le plaisir de son ego. Mais il voit qu'il y a du talent là-dedans. Ses amis doivent rigoler, donc ils doivent rigoler. C'est ça. Puis il fait des pièces sérieuses aussi. Là, je sais qu'en Avignon, il va jouer Europe Connexion d'Alexandra Badea. OK, oui. Ça tape fort. Oui. Mais c'est un gars qui est très hétéroclite. Oui. Complètement, et c'est ça que j'aime. OK. Mais il est comme toi, parce que toi, t'es comédien, t'es enseignant, ou plutôt enseignante. Hein? Plutôt metteur en scène, plutôt intervenant. OK. Je suis pas, un poste de prof. OK. Je suis un prof, vraiment, je fais de la mise en scène. Mais on m'a dit que toi, tu aimais les comédiens et tu savais flairer ceux qui avaient du potentiel. Quelle balance! Des gens comme ça, Et okay. Donc, tu as le potentiel de focaliser sur quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus. Oui. Tu as cet œil-là, tu as cette... Et comment tu fais? Est-ce que c'est ton travail de comédienne qui aussi... Tu sais, il y a dans l'école, il y a des professeurs attitrés qui sont là à l'année, puis il y a plusieurs intervenants. OK. Et je pense que quelqu'un qui veut apprendre puis qui est intelligent, il prend le meilleur chez chacun. Ah oui, OK. Et puis moi, c'est vrai que je les encourage. Moi, si c'est pas ludique dans le travail, c'est fini. C'est fini. Ouais. Ça marche pas. Parce que les comédiens doivent s'amuser pour amuser le public. Mais ceci dit, ils doivent travailler sérieusement, jamais se prendre au sérieux. C'est ça. L'humour, c'est sérieux, en guillemets. Ah, l'humour, c'est super sérieux. Oh, oui. C'est vrai, là, c'est pas une blague. C'est une job. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai joué presque rien que des rôles dramatiques. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Sauf un rôle très comique. Okay. Très, très comique. Qui a bien marché. Je sais pas. Je dois avoir une face plate. Non, mais est-ce que tu dois avoir un côté tragédien? Oui, certainement. Brechtienne? Oui, peut-être. J'ai beaucoup aimé jouer du Lars Norén. OK. Hein? C'est le côté... Et puis, tu sais que je suis retournée à un moment donné, parce que je suis arrivée à Paris en 1980. Ah, OK, t'es arrivée ici en 80. Je suis repartie à Montréal en 82. Je suis restée jusqu'en 86, puis je suis revenue pour faire le conservatoire. Mais ces 4 ans-là à Montréal, c'était quoi pour vérifier si tu voulais vraiment revenir en France? Ah, écoute, je suis revenue pour une histoire de cul. Oh, ben oui, c'est classique. Je me suis mariée avec un con, ça a duré 9 mois, c'était fini. Ben, c'est le temps de mettre au monde un enfant. Oui, mais c'est ça. Je peux voir que je m'étais trompée c'est grave. C'est un avorton, donc c'est là. Donc, mais là, j'ai un bon mari, très long. Bon, voilà. Tout s'arrange. Ben oui, ben oui. Il faut être patient. Donc, c'est une erreur de jeunesse, mais en même temps, ça m'a permis de travailler au Rideau Vert, à la compagnie Jean Duceppe, au TNM. C'était bien. Puis après, je suis revenue à. Mais quand t'étais à Paris, est-ce qu'on t'appelait à Québec pour venir jouer à Montréal? Jamais, sauf une fois. J'ai appris par mon agent et j'avais. Ça fait 20 ans. Ça fait que j'avais 37 ans. J'avais 37 ans. J'apprends par mon agent qu'un ami, une de ces comédiennes qui a 15 ans de plus que moi, sur un rôle, oui, assez au théâtre surtout, Maïté Nayer, qui est décédée maintenant, elle a mis sur une série, une saga québécoise. J'ai dit, puis moi, tu m'as pas mis dessus, c'est dégueulasse. Elle dit, mais attends, il cherche quelqu'un de 60, 65 ans. Brigitte, t'as 37 ans, à peine. Mais je dis, mais là, moi, je vais rencontrer les gens. Donc, je suis passée par toutes sortes de biais. Finalement, j'ai décroché le rôle. J'ai pris du poids, par exemple, rien que pour le rôle. Oh, j'ai pris, mais... Ah ouais, OK. Déjà, je suis pas un aigle, mais... comment dire? Ben donc, j'ai joué le rôle-titre d'une grosse saga au Québec, il y a 20 ans. Et qui s'appelle? Juliette Pomerleau. Ah ben oui! Voilà. Ben oui. Tu viens de rencontrer Juliette Pomerleau. J'espère que ça te fait un gros choc rénal. Ah oui, écoute, ça me fait encore plus. Ah, c'est fou, ça. Ah oui. Pas ça, ah oui, ben écoute, à Juliette. Mais... C'était la seule fois. C'est donc... C'est ça, donc... We'll be right back. Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Look out! Hey! Yeah! Woo! I took a ride with a pretty music. You can tell I took a ride with the pretty music. Now buzz into your state from hell. I'm sticking deep inside. I'm sticking deep inside. 'Cause I'm loved. Dancing, baby, I feel fine. I'm mistaken, baby. Hey! I feel fine. So be dancing, baby. If it's love, yeah, I do believe. Deep inside, I'm sticking deep inside. 'Cause I'm lost. 1,000 lights look at you. 1,000 lights look at you. We'll be right back. pas. J'en sais rien. Mais moi, cette expérience-là de retour, si tu veux, aux sources, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le, surtout hein, la rencontre avec le public québécois. Alors donc, toi, tu peux me dire la différence entre les deux? C'est, oui, c'est intéressant. C'est une bonne question, oui, ça. Parce c'est très que, sociologique. Oui, parce qu'en même temps, entre le public parisien et le public de province français, il y a aussi une très grosse différence. Oui. Alors, le public montréalais, surtout, qui, comme j'ai bougé pas mal au Québec. Le public, je dirais, de Gaspésie, de Tadoussac. De banlieue, oui, banlieue, La Gaspésie, là, et tu vas te faire des ennemis si tu dis que c'est la banlieue. OK, d'accord, bon. De mais Québec, de... Oui. Ils sont très, très chaleureux. OK. Puis j'ai trouvé ça aussi mais à Montréal. Dire, mais il faut dire aussi, en Gaspésie, ils ont très peu de spectacles, donc s'il y a une tournée, puis que tu... Oui, mais là, c'est la TV, c'est de la TV. OK, OK, non, mais moi, TV. Je te dis au théâtre. Oui, au théâtre, non, j'ai pas fait de tournée. OK. Voilà. Okay. Mais est-ce que tu vois quoi la différence? Oui, enfin, ce qui est terrible avec le public français, particulièrement parisien, c'est qu'ils vont porter quelqu'un au nu. OK. C'est-à-dire, ça devient un dieu ou une déesse vivante. Oui, oui. Puis ils ont... Ils savent aussi leur plaisir, c'est de les brûler, de les détruire. Gérard Depardieu, exemple. Rapidement comme ça. Gérard Depardieu, franchement, je m'en fous un peu, mais Xavier Dolan, ça m'a fait beaucoup de peine. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont été très méchants, qui ont dit de lui à Cannes. Ouais! Dans son dernier film. Ouais, il pleure parce que. Il n'y a pas eu la Palme d'Or. Non, il pleurait parce qu'elle allait annoncer la mort de son grand ami François Barbeau. Ouais. Ça m'a tellement fait chier. Je me suis fâchée avec la moitié de mon Facebook. Non, mais c'est. Ça m'a fait chier. On arrive. J'ai dit, mais écoute les gens. Bon, j'arrête. Mais c'est vrai qu'on arrive souvent à la facilité. Hein. On doit toujours comprendre et mettre. Rationaliser l'émotion. Mais l'émotion ne peut pas être rationalisée. Non. Tu pleures parce que tu viens d'apprendre que quelqu'un est décédé. Donc, mais les gens veulent peut-être. Je sais pas, peut-être on est très. Les gens qui montent trop rapidement, on le considérait au début comme François Truffaut. Hein? Hein, on disait que c'était un nouveau Truffaut. Puis. Un jeune qui parce que là, il n'a pas fait grand-chose de mauvais, Xavier Dolan. Non. Même actuellement, là, c'est vraiment là, toujours très, très bon. Oui, là. C'est toujours très bon. C'est quelqu'un de bien. Et c'est brillant. C'est pas, brillant. Tu sais, c'est intelligent, c'est toujours sensible. Oui. Puis c'est ça, on trouve pas ça normal. Moi, j'aime ça, les gens qui... Oh oui, mais heureusement. Ça me fait plaisir, moi. Le succès des autres me fait plaisir. Quand je vois des petits jeunes avec lesquels j'ai travaillé qui se décrochent un Molière ou un César, je suis encore plus contente que... Dans ton salon, tu pleures. C'était moi où je pleure, j'ai la maman Marie, j'envoie des textos, je leur envoie des textos. Tu n'auras pas mon texto tout de suite, mais bravo, je t'aime, je t'assure, c'est sûr. Mais toi, est-ce que... Moi, je suis très exubérante. C'est ça, oui, mais est-ce que tu le savais avant que cette personne-là pouvait se rendre là? Certaines personnes, oui. Donc, ça ne se surprend pas, mais en même temps, tu es content que c'est les gens s'en rendent compte. Oui. Tu t'en es rendu compte et c'est bien que les autres s'en rendent compte aussi. Alors, maintenant, dans le milieu, surtout dans le milieu théâtral en France, il y a vraiment un souci. C'est-à-dire que pour moi, tu peux vraiment arriver à faire des choses formidables si tu as quelqu'un qui te finance. Ah oui, ok. Maintenant, j'en vois certains qui ont réussi au cinéma, par exemple, et qui ont réussi rien qu'à cause de leur talent. Puis ça, c'est le fun aussi. Ben oui. Ça me fait plaisir. Je pense à Nedra Yadi, qui avait eu un César pour Police, puis là, qui a réalisé son premier film. Je t'aime, Nedra! Mais c'est François Debloc, c'est des gens que tu as vu naître et que tu croyais en eux. Oui. Donc là, tu vois que le travail est exaucé et qu'ils sont capables de ce que tu croyais. Oui. Puis en même temps, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais l'être humain est paradoxal. Ben oui. Je dis que pour réussir, il faut avoir des gens qui te financent, qui croient en toi, mais j'en vois qui ont un talent fou. Mais je me dis, mais quel talent, tu sais. Je me dis, mais ils réussiront pas parce qu'ils n'ont pas assez faim. Ah oui, ok, je comprends. Ouais, il faut être vorace un peu. Très paradoxal. Ouais, j'arrive pas trop à expliquer. Mais il faut dire aussi, il y a tellement de comédiens, il y a tellement de jeunes qui sortent. Puis comment quelqu'un peut prendre sa place, c'est vraiment... Il faut y croire, mais... Les écoles savent très bien que très peu vont être élus. Il y a 15 ans, on disait 10%. Maintenant, on commence à dire 5 ou 3. Ben, je trouve que c'est plus réaliste, 5 plus et 3. Réaliste, oui. Oh, oui, parce qu'il y en a plusieurs qui doivent faire autre chose pour arriver à leur fin. Et puis, mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu, non pas enseigner, mais aider les comédiens et les comédiennes? Je veux dire, en plus, je continue à aider les comédiens et comédiennes parce qu'il y en a qui viennent me trouver et des fois qui font « Brigitte, j'ai un casting en anglais, je dis pas un mot du mot d'anglais, tu peux pas. » We'll do it. OK. Alors, tu suis les chapeaux. Je les chapeaux, je les aide, je les coach. OK. Même s'ils sont plus dans une école, je vais continuer à les coacher. Je vais revenir à ta question plus tard, parce que on parle de coaching. Oui. J'ai fait un gros coaching l'année dernière. Okay. Énorme. Okay. Énorme. Pense là à la plus grande star française et internationale. Internationale? Qui est bien fine à part ça. Française. Française. Pas chanteuse. Justement, Céline Dion. Mais justement, dans Marion Cotillard. Ah, c'est pas ça. Ah, mais j'allais dire Catherine Deneuve. Mais non, Marion Cotillard. Okay, oui, c'est vrai. Marion Cotillard, elle a tourné dans un film réalisé puis écrit par son mari, Guillaume Canet, qui s'appelle Rock and Roll. Ah, je connais pas. Non, mais aujourd'hui, justement, sort le DVD Blu-ray. Puis, et ça passe au cinéma ou directement ça a passé, non, okay. Ça passe au cinéma là, depuis un long moment. Est-ce que le film a eu un succès? Oui, ça a bien marché. Okay. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça sorte au Québec, je ne sais pas. Ben, on peut l'acheter en zone 2, pas de problème. Ben, là, ça sort aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on peut l'avoir en zone 2. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle joue son propre rôle et que Guillaume Canet, qui est son mari, joue son propre rôle avec des choses évidemment un peu distordues. C'est une grosse comédie. Et puis, on sait que Marion Cotillard a fait un accent polonais dans un film, a fait un accent belge dans un film, parle parfaitement anglais, a travaillé l'anglais d'Angleterre, l'anglais avec l'accent américain. Et puis là, dans le film, elle dit qu'elle va tourner avec Xavier Dolan, puis il faut qu'elle prenne l'accent québécois. Qui c'est qui l'a coaché, tu penses, toi? Ben, toi? Écoute, alors, ben est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, parce que la difficulté, si tu veux, c'était de faire que par moment, elle ne soit pas trop bonne. Okay. Que ce soit Marion Cotillard qui est en après apprendre. OK. OK, je veux dire aussi que c'est pas moi qui ai écrit le texte en québécois du tout. Et là, tu n'as pas voulu revisiter le texte parce que... Bien, il y a des moments où j'ai dit, hey, ça n'a pas d'allure. Non, okay. Ça fait que Guillaume Canet, il est bien fin, il m'a dit... OK, prouve-moi pourquoi ça n'a pas d'allure. Ça, je disais ça. En plus, c'est pas un Québécois, donc lui, il s'imagine. Donc, c'est ça. Mais il me dit, il faut être quand même jusqu'à un certain point dans le stéréotype. Donc, il y a des choses que j'ai pas pu changer, puis il y a des choses, j'ai dit, oh. Puis quand Marion disait, mais ça, je veux pas le dire, non. On était d'accord, Je vais l'acheter. Et je suis dans le making-of. Là, tu vas me voir dans le making-of. Mais tu vas me voir genre à 8h du matin. OK, en train de pratiquer avec... Oui, puis ça a été très... Il y a des choses qui, pour les Français, sont extrêmement difficiles. Les « oh, gars ». Ah oui, « oh, ouais. Hey, mon gars, oh ouais. ». Alors ça, Marion était « oh, oh ». Ça fait l'écouteur. C'était le fun. Mais cette fille-là, elle a un talent fou. Ouais, puis là-dedans, tu vas voir, elle chante Céline Dion. Okay. Avec sa voix. D'où? Ça, je retombe sur Céline Dion. Boum, boum. Ah, ça se croise, tout se croise. Oui, ah, oui, c'est bon. Okay. Non, c'est bon. Donc, rock and roll. Oui, rock and roll. Et puis, le. Exact québécois, Céline par Dion. Par moment, c'est vrai que. Pour moi, là, les moments où elle l'a très, très, très, très bien, ce qu'il fallait faire, elle l'a comme aucune Française l'a jamais eu. Okay. Puis les autres moments où elle l'a moins bien, mais il fallait montrer que était en cours d'apprentissage. Ah, c'est pas... Il y a plusieurs scènes. Okay, ça dure. C'est la première partie du film. Okay. On s'est vu, je dirais, 3-4 fois avant le film, puis après j'étais tout le temps sur le tournage. Okay. Puis écoutez Marion Cotillard dire « Oh ben j'ai mon maudit voyage. Ah c'est bon. Ça m'a fait trop plaisir. Okay. Okay. Puis c'est vraiment quelqu'un que, en plus, est pas snob et fine. Maman m'a offert un gros bouquet de fleurs quand je suis partie, elle m'a envoyé un cadeau. Mais tu sais, parce que il y a des vedettes qui se font des réputations, je sais pas pourquoi, elles font ça. On nous dit que c'était une fille qui était un bourgeois, pincé. Pas du tout. Ouais, ouais. Oh, mais c'est mieux d'apprendre ça, parce que là, c'est l'autre côté. Là. C'est vraiment la fille qui a commencé, puis se souvient d'où elle a été pour pouvoir. C'est ça qui est bien. Là, puis elle a fait une école de théâtre à Orléans. Okay. Puis Guillaume Canet vient vraiment du milieu des chevaux. Ouais. Puis il y avait eu, je pense, un gros accident. Oui, c'est remonté, ça. Il est remonté à cheval pour Japelou. OK. Japelou, qui a été réalisé par Christian Duguay. Christian Duguay qui est de Montréal. Ah oui, Montréal, oui. Ouais. Ouais. Et puis, j'ai tourné, moi, avec Christian Duguay, okay. dans Coco Chanel, et puis c'était tourné en anglais, donc on parlait. Puis moi, je le connaissais pas trop, il venait d'arriver en France, puis il avait fait des gros blockbusters aux États-Unis. Puis Christian Duguay, tu sais, moi, je me suis dit, c'est Louisiane, tu sais, ça se pourrait. Oui, oui. C'est déjà pareil. Et puis, à un moment donné, il parle à un technicien français, puis il dit, mais coudonc, là, toi! Je fais, t'es-tu québécois? Il fait, mais toi aussi! Là, on est parti en live. Puis du coup, j'ai coaché Lou Delage, qui a eu un rôle dans Japlou, ça pas à cause de moi. Okay. Mais après, je l'ai recoaché en anglais pour Anna Karenine, qui a tourné aussi. Quand j'ai su que c'était moi qui l'avais coaché en anglais, il était fier. Il a dit, ah, c'est fun. Mais donc, tout se croise. C'est ça. Mais... C'est un petit milieu. C'est un petit milieu, mais on fait appel à quoi souvent? Ben, écoute, les anciens petits dans l'école, là où je fais des mises en scène, toi, donc, ils reviennent vers moi. Puis Marion Cotillard, c'est un hasard. Puis Guillaume Canet, qui est bien... qui est assez contrôlant, tu sais, il a l'habitude de contrôler des chevaux. Ah ouais, c'est ça, il est très bon avec les enfants, il a une grosse scène avec des enfants, il était super bon. C'est dur de faire jouer. Moi, je l'ai adoré, ce monsieur-là. Puis je l'ai trouvé très élégant avec moi. Puis là, j'ai dit, est-ce que je vais pouvoir parler de rock'n'roll? Tu sais, je fais quelque chose pour CKRL avec Rénal Gagné. Ah, tu en as parlé? Ah ben oui, j'en ai parlé, puis là, j'étais en plein tournage, je m'ai fait rappeler, puis il a dit... Il a fait dire, Brigitte, toi, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est cool! Mais donc, j'ai un bon rapport avec les chansons. Oui, mais pourquoi ce film-là s'est jamais rendu au Québec? Ben là, je pense que ça va se rendre. Oui, ça va se rendre grâce à l'Omicron. Ben j'espère. Pourquoi la bobine ne s'est jamais rendue dans nos salles de cinéma? Parce que moi, je parle souvent à une amie qui est très cinéphile, qui me dit on n'a pas, mais... Française ou québécoise? Elle est québécoise, elle habite de Montréal. Okay. Elle n'est pas du tout dans le milieu, mais... Elle travaille pour TV Hebdo. C'est la vie. Qui a gagné sa croûte. Et fine. Fine. Mm-hmm. Donc, elle dit à propos du cinéma. J'ai pas le droit de dire ça. Ah oui, ben oui. Mais à propos du cinéma, elle me disait... Non, c'est moi qui me tais. Les films, non mais... C'est vrai, tu sais. Les films français, on en a à peu près... Si c'est le cas... c'est le max. Tu veux dire au Québec? Au Québec. Ouais. Il y a beaucoup de films américains. Puis il y a des films étrangers. Il y a beaucoup de films au Festival des films du monde. Mais quand elle vient ici, par exemple, elle est très curieuse de pour elle, parce qu'elle aime le cinéma, ouais, de voir quel film. Puis des fois, je dis, oh, va voir ça, c'est bon, c'est bon. Et elle me fait, ben on l'a jamais eu. C'est ça, avec les DVD. Oui, mais elle aime ça aller au cinéma, le grand écran. Ah oui, avec les DVD, tu peux voir. Oh oui, donc c'est la curiosité, tu peux autant voir des films russes qui ne se rendront jamais à Québec ou en France ou n'importe où. Mais toi, qu'est-ce qui t'attire dans... Est-ce que tu veux te concentrer vers quelque chose ou ce qui te plaît, c'est de tout toucher? Mais c'est de tout toucher. Tout toucher. Mais bien sûr. OK, OK. Tout toucher, regarde là, je te touche. Oui. Tu touches rien dans le gagné. C'est incroyable. Je ne me laverai pas pendant 15 jours. Ah, mais écoute, tu vas t'en remettre. Mais est-ce que le fait de jouer fait de toi quelqu'un qui peut plus facilement diriger? Mais je ne sais pas. En vieillissant, je vais avoir 57 ans en septembre. OK? En vieillissant, je suis de plus en plus attirée par la mise en scène. Okay. C'est quelque chose. Je faut que je l'analyse, mais. Non, mais c'est parce que là, tu préfères être derrière. C'est parce que oui. Okay. Parce que ça me transporte. Ceci dit, quand je joue, moi, j'ai un gros trac. Mais quand je fais de la mise en scène, j'ai un trac, mais puissance 10, parce que je peux plus rien faire. Non, c'est ça. Une fois c'est effrayant, c'est effrayant. Je pense que je suis un peu maso, tu sais. Il y a aussi, puis par rapport aux jeunes, parce que j'aime beaucoup m'occuper de jeunes, tu sais, des 18, 23, 25 ans aussi, puis des jeunes comédiens, même s'ils sont plus vieux, mais qui sont jeunes et comédiennes, même s'ils sont plus jeunes dans le milieu. D'ailleurs, je m'occupe plus de comédiennes que de comédiens. Je pense que si vraiment j'analyse ça, moi j'ai pas voulu d'enfant. J'ai jamais voulu d'enfant. Puis pour moi, être mère, être père, t'as deux choses, t'as la procréation, puis t'as la transmission. Toi, je suis beaucoup plus axée sur la transmission. Je sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus. Très bien, très bien. Toi, tu veux plutôt offrir des choses et aider aussi les jeunes à... Ouais, moi, je veux pas avoir. Non, okay. Avoir un enfant, avoir la gloire, avoir... Non, j'aime bien être. J'aime bien être. J'aime bien être de bonne humeur. Être bourré, tant que ça. Pas souvent. Tu veux... Tu veux transmettre. Ouais. Mais est-ce que le travail de transmission est quelque chose de plus difficile parce que tu veux que les jeunes soient meilleurs que toi? Moi, je veux toujours que les gens soient bien meilleurs que moi. Okay. Ouais. Alors, t'es quand même... Hyper assez... exigeante. Oui, c'est ça. Est-ce que t'es difficile, ouais, comme tu disais, exigeante? Je suis exigeante, mais je pense que pour réussir dans ce métier-là, il faut avoir quelqu'un d'exigeant en face dès le départ. Okay. Tu sais, et puis... Je suis exigeante, mais comme je dis, je leur donne pas la béquille. Tu sais, il y a des metteurs en scène ou des... C'est encore différent quand tu fais une mise en scène dans un théâtre où il faut que tu sois vraiment carré. Mais pour des jeunes qui commencent, pour les diriger, en fait, il y a des professeurs, des intervenants qui disent à tel moment, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Moi, je leur dis, je vais vous apprendre à devenir des artistes-interprètes indépendants. C'est bien, ça. Donc, à chercher en vous les solutions. Je n'ai pas voulu donner tout de suite comme ça. Si vous bloquez, je vais ouvrir. Si vous partez dans la mauvaise direction, je vais vous laisser partir dans la mauvaise direction. Puis, à un moment donné, je vais donner un coup de volant de l'autre côté. Mais il faut qu'ils apprennent à être autonomes. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'est important. Et quand tu as réussi, tu les vois jouer, tu es quand même contente. Moi, je suis ravie. Puis quand ils sont pas bons, quand ils font n'importe quoi, oh! Tu leur dis? Oui. Je suis sévère. Une fois, j'ai vu un truc que je citerai pas, mais assez épouvantable. Okay. Et je suis sortie de là, puis ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai dit, ben, je me demande où est-ce que moi, puis mes collègues, je m'en commande, a pu faillir à ce point. Qu'est-ce que la personne a dit? Ils m'ont regardé et ils m'ont dit, ben, tu peux le développer? Je dis oui. Là, j'ai développé. Mais voilà. Est-ce qu'il a continué la faire? Est-ce qu'il a modifié son parcours? Ces personnes-là, en plus, il y en avait dans... C'était une pièce et je pense qu'ils ont été très, très mal dirigés. Et il y en avait dedans qui ont continué, qui sont vraiment de bons comédiens maintenant. Mais des fois, te planter... Ah oui, ben, il faut apprendre. Hein. Ça fait du bien. Moi, je me suis plantée sur certaines choses hein, dans ma vie. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait apprendre. Ça m'a fait apprendre aussi à dire non à certaines choses. À dire non à certaines personnes. Alors, c'est plus difficile quand tu connais pas les gens. Mais je discutais tantôt avec Mathieu et sa copine. On me disait que pour les filles comédiennes, les femmes comédiennes, c'est plus difficile parce que l'âge fait en sorte qu'un homme peut jouer autre chose. Mais les femmes, c'est plus complexe. Moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Run, runner, run, runner! Going faster miles an hour! Gonna drive past the stop and shop with the radio on. I'm in love with Massachusetts and the neon when it's cold outside. I got the power of the AM, got the... even to understand is exactly what I steal. I went my way into the heart of the crowd. Went my way into the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose myself in the crowd. Yeah. What do you think I wanna do? That's right. Can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. All right, come on, Stooges. Come on. Fuck up here! Let him up! Let him up! Let him dance! Get up here! Stooges! Hard! Hard! Harder! We will have a real cool time! We will have a real cool time tonight. No fun. No fun! No fun! No fun! God damn it, play no fun! Yeah! Yeah! Yeah! No fun, my babe! No fun! Turn on the house lights! No fun! No fun to hang around feeling that same old way. No fun to hang around freaked out for another day. Yeah. Yeah. No fun, my babe. No fun. Woo! No good, my babe. No fun. No fun to be alone. Walking by myself. There's no fun to be alone. And alone with nobody else. Fucking rock, did you? Well, maybe go out. Maybe stay home. Maybe call mom on the telephone. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. No fun to be alone. No fun to be alone. Hi, back there. On. Don't you let me go. No fun to be alone. I said I'll be alone. I said I'll be alone. It's no fun. What I say? Come on now, there in the back. You in the back. Tell me how you feel. We'll be right back. you feel? You over here, I know how you feel. Yeah. Alright, Ron. Come on, Ron Astin. Let me hear you tell him. Let me hear you tell him. Tell him how I feel. Woo! Woo! Stooges! Stooges! Woo! Woo! All right! All right! All right! Well, all right! All right! Chers amis, si... Si je vous... Si je vous ai bien compris... Si je vous ai bien compris... Vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.